بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره متفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سكول أصل الثالث نعم On avait dit que c'est Muqayyid bi al-Ma'ruf. Innama ta'ata bil ma'ruf, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha amara bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ata. Barakallahu ta'ala. Qala al-asl ar-rabi', qala bayan al-hulam. Afa. Al-asl ar-rabi', qala bayan al-'ilm wa al-'ulama wa al-fiqh wa al-fuqaha wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Wa qad bayyana Allahu hadha al-asl fi awwal surati al-Baqara min qawlihi ta'ala ya bani Israil. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل قال ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البين ثم صار هذا أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم ليس لبس الحق بالباطل أو لبس الحق الباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم هذا كذلك الأصل يعني أصل عظيم جدا وفي الحقيقة إلى أن يقول يعني الأصل الثاني الاجتماع في الدين فمما يعين على الاجتماع في الدين لفيد غفنيه العلماء لأن الاجتماع في الدين بمعنى العمل بطاعة الله عز وجل والعمل بطاعة الله إما أن الإنسان طلب العلم فعلم وعمل به وإما لم يتيسر له ذلك إلى peu les moyens et la possibilité de rejoindre les علماء فسأل العلماء كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالاجتماع في الدين le fait de se comprendre à la religion, هذا يعني يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم. ويحتاج كذلك التمييز بين من هم العلماء ومن ليس بعالم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن يعني في آخر الزمان يعني il y aura des gens qui vont tromper les autres, qui vont se faire passer pour des عالم alors que ce n'est pas des علماء. وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصفات وكذلك كما قال هو رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بين في سورة البقرة يعني ما كان عليه هؤلاء علماء بني إسرائيل فبين فيه الأخطاء والخلل الذي كان عند هؤلاء العلماء إلى montrer les défauts de ces personnes-là qui se faisaient passer pour les savants de la communauté comme l'évoqué dans un long passage comme tu peux le voir du verset 40 jusqu'à 122 Donc 80 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il bayen les akhta, les défauts qu'il y avait dans, dans cette umma-là de Bani Israël. Fa aradahu rahimahullah dans ce passage-là qui est long, dans lequel il a fait juste une ishara de montrer yani, les sifat par lesquels on peut reconnaître quelqu'un qui se fait passer par un alim. Fa hada muhimun jiddan parce que al-ilm, on n'a pas accès au ilm excepté si jamais on le prend des alim. Des ulama. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana mu'allim al-sahaba wa kana alimuhum wa huwa alim al-umma wa al-sahaba ils ont été les mu'allim des tabi'in et ainsi de suite, chacun a pris de la génération qui l'a précédé fal-insan yahtaj ila man yubayyinu fal-alim c'est une wasita baynak wa bayn Allah c'est un intermédiaire qui te permet de comprendre le kitab d'Allah et la sunna du prophète salawatullahi wa salamu alayhi enfin, on a besoin de lui kama anna al-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-umma nahtaj ilayhi parce que c'est lui qui est l'intermédiaire entre la bonne compréhension du kitab et la sunna fa al-ulama yaqum maqam al-anbiya fi al-umma ils prennent l'emplacement et l'emploi la fonction des anbiya fi tilka al-umma kama qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-ulama warathatu al-anbiya Les ulama, ce sont les héritiers des anbiya. Et bien ma'ana, ils prennent la même fonction que les anbiya fil umma. Min al-ta'lim, wal-irshad, tam, wal-nasiha, wal-fatwa ila akhirihi. Ils ont la même fonction que eux. On n'ahtaj ila hawla al-ulama. On ne peut pas يعني نستقيل عن العلماء. On ne peut pas se séparer et se passer des ulama. On ne peut pas se passer des ulama. Yani c'est une wasila, c'est un intermédiaire afin de mettre en place le asl al-awwal. Al-asl al-thani qui rejoint le asl al-awwal. Wa na'am kadhalika min tamam al-ijtima' as-sam' wa at-ta'a li'anna c'est eux qui appellent les gens. Lorsque il se passe yani un événement dans la société où le مثلا al-hakim il devient un peu injuste avec le peuple. فهم الذين يصبرون على طاعة الله سبحانه وتعالى. Et il rappelle le peuple de ne pas sortir contre le gouverneur et de patienter. ففي الحقيقة يعني سلامة الأصل الثالث. Il repose sur le الرجوع إلى هؤلاء العلماء et le fait de ne pas s'écarter de eux. Car lorsqu'il y a des problèmes dans la société, c'est eux qui bayent شرع الله سبحانه وتعالى. أما الحاكم والقاضي في الحقيقة lui il fait que d'exécuter يعني les sanctions. أما العالم يبين يعني هذه الأشياء التي يحتاج إليها الشعب فهذا أصل يعني كعظيم جدا parce qu'il y en a qui reviennent aux personnes qui ne sont pas des علماء ويفسدون عليهم في دينهم ويفسدون عليهم في دينهم فلا بد من التفريق بينهما de savoir vers qui on revient والأثار المعروف يعني من الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Ce ilm, c'est une religion. Aïe, tata'abbad Allah subhanahu wa ta'ala bih. Tata'qarrab il Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit, à partir du moment que c'est un intermédiaire qui te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, il faut que tu saches yani de qui tu le prends. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Et on le ressent bien par rapport à cette parole-là que Al-insan la yustaqil. Il ne peut pas être indépendant et tout seul, mais aller comprendre sa religion. Et il a dit, regarde de qui tu prends la science. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن يعني يوجد يعني في آخر الأمة أو يوجد يعني في الأمة من سيفسد عليهم في دينهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم البخاري 4547 فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم فيعني يا ديجون qui vont se prétendre comme étant yani, les ulama ou hukama, ceux qui propagent la science, ils ne prennent pas les bons intermédiaires par rapport à cela. فَيَرْتَكِنُونَ إِلَىٰ الْآيَاتَ الْمُتَشَابِهَاتِ ça c'est parmi les alama des personnes yani, dont on doit s'écarter de eux. Parmi ces alamat-là, c'est tu vois que ces personnes-là prennent les ayats dans lesquels il y a des ambiguïtés. Afin de faire une fitna dans la communauté. Comme il dit subhanahu wa ta'ala. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَتَرَى يَنِي الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعُلَمَاء ceux qui s'identifient aux ulama et qui ne sont pas des ulama مِنْ عَلَامَتِهِمْ c'est le fait de suivre des choses qui sont ambiguës, dans lesquelles il y a des ambiguïtés, dans lesquelles tu as mis un madkhal pour mettre des shubha. Et la shubha, généralement, elle est basée sur ça. كما قال العلماء كلمة حق أريد بذلك الباطل. Parole de vérité, لكن à travers laquelle est recherché l'égarement et le faux. فيأخذون يعني من كتاب الله عز وجل. Ils disent pas des choses يعني de leur point de vue. Ils prennent من كتاب الله afin d'égarer les gens. يقولون نحن نقول كما قال سبحانه وتعالى. لكن ils prennent des ayats dans lesquelles il y a des ambiguïtés ou bien des ayats qui sont mansoukha, qui sont abolis. Afin de faire la fitna, فهذا من علامة الذين تشبهوا بالعلماء من علامتهم اتباع المتشابه من الأحكام. Ils prennent les choses dans lesquelles il y a des ambiguïtés afin de faire la fitna. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروا كما قال سبحانه وتعالى في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك قال فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. C'est ce dont Allah عز وجل a nommé dans son kitab et nous a demandé de prendre garde de ces personnes-là, de faire attention. فاحذروهم. وكذلك من الأدلة في ذلك حديث حذيفة بن اليمن Et là, un peu long, on va juste, Inch'Allah, prendre le shahid et je te donne le 3606. Et on va juste prendre yani, ce qui nous intéresse par rapport à cela. Malgré que le hadith il est intéressant dans sa globalité, lakin, le shahid, yani, la Bukhari et Muslim, hein, les deux. Sauf que je te donne, comme je te dis la référence de Muslim, Bukhari plutôt, parce que c'est plus simple yani, pour retrouver. Yani, on va juste évoquer yani, Bukhala, c'est ce qui était dit au début, dans lequel il a demandé au prophète, alayhi sallam, est-ce qu'après ce khair, ce bien-là, il y aura un mal? Et il lui a dit, naham, après ce khair-là, il y aura un mal. Et il a dit, est-ce qu'après ce mal-là, il y aura un khair? Il a dit, naham, après ce mal-là, il y aura du khair. Ensuite, il a évoqué yani, certaines des sifats, yani, fi dalika faqala, qawmun yahduna bi ghayri hadi. Il a dit, Nabi sallam, qawmun yahduna bi ghayri hadi. Ils vont prendre une guidée autre que la mienne, al-bida. Ils vont faire des choses qui seront conformes à la religion et des choses, il y en a beaucoup de choses qui ne seront pas conformes à la religion. Comme on peut le voir à cette époque-là, tu vas mettre en garde il y en a, contre les erreurs qui sont très graves qu'il fait, même si jamais il a fait du bien, Iblis, ou plutôt ce shaitan-là, qui est venu sous la forme humaine, il a montré à Abu Huraira un khair. Dans le sens où il a dit, avant de dormir, lis plutôt ayat al-Kursi. Est-ce qu'on va dire, il a fait un bien à Abu Huraira dans le sens où il lui a indiqué ce khair-là qui est de, avant de dormir, qu'il lise Ayat al-Kursi. Donc on va prendre de ce shaitan-là. C'est faux. Il faut faire la différence entre ça et entre la personne dont ses erreurs, elles impliquent un égarement des choses qui sont graves dans la religion. Il peut avoir du khair, mais il a un mal qui est beaucoup plus grand. Et la maslaha, elle est dans le fait de mettre en garde contre ces personnes-là, même si jamais on trouve du khair fihi. Il y a un asharruhu aksar. كما فعل سبحانه وتعالى مع الخمر فنهى عن الخمر malgré qu'il avait du bien كما قال سبحانه وتعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. Il évoquait qu'il y a un grand péché et qu'il y a كذلك des منافع, il y a un profit. قال واثمهما اكبر من نفعهما وهذا كذلك في الاسلام. Lorsque tu vas trouver avantage inconvénient, si jamais l'inconvénient prend le pas sur l'avantage, il ne faut pas regarder l'avantage. On ne doit plus regarder les profits des avantages. C'est comme s'ils n'existaient plus. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le khamr. Malgré que dedans, il y avait des profits des avantages. Enfin, tu vas trouver des personnes dans la religion qui vont avoir des profits et vont avoir des inconvénients. Lakin, si jamais les inconvénients ils deviennent graves et ils influent sur la communauté, on doit mettre en garde yani, contre ces personnes-là. Kama, qala haruna, qala qawmun yahduna bi ghayri hadi. Qala tu'arafu minhu wa tunkir. قلت فهل بعد ذلك الخير من الشر؟ Et ça c'est dans l'époque où il y aura du bien. Yani après ce mal là, il y a eu un bien. لكن فيه تخم. C'est mélangé quoi. Yani. ثم قال أبو بتو حذيفة ابن اليمن قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم قال دعاة إلى أبواب جهنم. Donc c'est des دعات. Et ces personnes là, ils vont pas t'appeler directement à aller en enfer. لكن ils vont t'appeler بكتاب الله عز وجل. يحرفون كتاب الله عز وجل et par cet appel-là, par cette da'wah-là, il t'appelle à l'égarement. Amma, il ne va pas te dire il faut faire zina, il faut faire ceci, le haram qui est wadih. Il va venir avec des shubhat. قال دعاة على أبواب جهنم قال من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا. Afin qu'on différencie bien. Il a dit il va avoir des dua'at, des prédicateurs qui vont appeler aux portes de l'enfer. Celui qui va y répondre, ils vont les jeter dedans. Hudhayfa a demandé au prophète sifhum lana hatta, on puisse y aller faire la distinction entre ces personnes-là et mettre en garde et s'écarter de eux. Faqala hum min jildatina yatakallamuna bil alsinatina. Min jildatina et min jisina min al-arab. Wa yatakallamuna bil alsinatina kadhalika yatakallamuna bil lugha al-arabiyya. Comme c'est pas des personnes qui sont étrangères, c'est-à-dire des koufars, non, des personnes qui sont dans notre communauté, qui vont appeler aux choses, aux valeurs auxquelles on appelle, kitab wa sunna, l'islam. Lakin, ya'khudhuna, yatrukuna al-muhkamat, ya'khudhuna al-mushabihat, ils viennent avec des choubhats fi d-din, yulabbisuna al-haq bil batil ila akhirih, comme c'est ati. Fa, ils ont des halamat, yani ces personnes-là, na'am. Fa, ça c'est pour nous montrer que ces ulama dont il est évoqué, c'est de la main qu'on va retrouver dans cette communauté-là. Donc le mal, il est beaucoup plus grand. parce qu'ils appellent aux valeurs auxquelles on appelle. Enfin, c'est important de dissocier. Et on va évoquer, il y en a certaines que lui il a évoqué, ou plutôt il a fait l'ishara dans Surat al-Baqarah, dans ce passage-là. J'en ai évoqué quelques-unes, lakin, comme tu peux voir, yani, c'est 80 ayahs. Donc il y en a beaucoup plus, yani, lakin, c'est juste yani, celles qui sont plus apparentes. Min dhalika at-talbis. Min dhalika min tilka al-alamat li hawla alladhina yatashabbahuna bil ulama wa laysu min al-ulama annahum yudallisun wa yulbisun. كما قال سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. هذا كان من صفات وسمات وعلامات العلماء من بني اسرائيل. يعني certains d'entre eux parmi les mufsidun il avait cette sifa là at-talbis, c'est à dire qu'ils prennent le haq, une partie du haq, لكن ارادوا بذلك باطلا. كذلك من تلك العلامات أنهم يأمرون بالمعروف لكن لا يأتي. Il leur donne le convenable, لكن ne le fait pas. Il interdit le blâmable, لكن il le fait. بمعنى ليس بمستقيم. C'est quelqu'un dont l'istiqam est في اللسان فقط. أما الجوارح لا يعمل به. فذا كذلك من علامة من تشبه بالعلماء. العالم كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم من أهل الخشية, c'est ceux qui ont peur. Ils ont peur du châtiment d'Allah عز وجل. فتراهم, c'est les premiers qui œuvrent des choses vers lesquelles ils appellent. فهم على الاستقامة. فاستقيم كما أمر أنت ومن معك. لابد من الاستقامة في الدين الله عز وجل. Si jamais tu vois quelqu'un qui appelle à la religion, لكن il n'œuvre pas. فهذا سين علامة واضحة كهذا c'est pas un عالم. العالم c'est celui qui يعني تعلم ما يلف. لابد منه. كما قال سبحانه وتعالى فذكر فإن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Il rappelle, et si jamais le rappel profitable va se rappeler celui qui craint Allah عز وجل. On ne dit pas que c'est un ange qui ne fait pas d'erreur, لكن lorsqu'on le rappelle, il revient. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Lorsqu'on les rappelle, ils ouvrent les yeux. خلاف ceux qui, lorsqu'on les rappelle, yastakbirun plutôt. قال سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم. Malheur à tout أفاك أثيم, tout menteur. Parmi ces sifa-là, lorsqu'on lui récite les versets d'Allah سبحانه وتعالى يصر مستكبرا, il insiste qu'il est dans son égarement, comme si jamais il n'avait pas entendu, comme le hadith qu'on a pu évoquer. وَيْلُنْ لِأَقْمَعِ الْقُولِ. Malheur à ceux dont leurs oreilles sont telles que les entonnoirs, yani. لَا يَنْفَعْ لَا يَنْتَفِعُ بِسَمْ لَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles qui ne servent à rien. نعم. فَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ وَسِمَاتِ هَوَلَا. كما قال سبحانه وتعالى تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ça c'est parmi les ayats qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala Cheikh Mohamed, ou plutôt la finishara ilayhi, que ces personnes-là, ils appellent au ma'ruf, lakin la yafharu. Hada min al-nas alladhina tashabbahu bil ulama. كذلك الاعراض, يعني انه يعرض عن الموعظه. Lorsque c'est lui qui appelle, on doit l'écouter. Et lorsqu'on lui fait, lui le rappelle, parce que c'est un homme, c'est un bani Adam, il va se tromper. Lorsqu'on le fait, lui le rappelle, khalas. يعني, c'est moi qui fais le rappel et on ne me fait pas le rappel à moi. Tarahu, yani, lorsque tu fais le at-taskir, yastakbir. قال سبحانه وتعالى ثم توليتم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني لا ينتفعون. قلوب, c'est comme de la pierre. Lorsque c'est lui qui fait le bayan, on doit l'écouter. Lorsqu'on lui fait lui le bayan, khalas. Il commence à faire des histoires. Tu vois, comment on peut le voir, tu vois? Et ça, c'est généralement les alamas des hizbiyin, tu vois. Tu vas voir que le wala ou le bara, il est dayyak. Il aime pour lui et il déteste pour lui. Lorsque tu vas venir lui faire des, comment ça s'appelle, nasiha, tu vas voir qu'il n'accepte pas. Parce que, fi al-haqiqa, sa da'wa, elle n'est pas lillah. Elle est pour lui. Tant qu'on lui fait des éloges, tout va bien. Lorsqu'on lui montre ses erreurs, ça commence à faire des problèmes. كذلك التحريف, il modifie les choses. les personnes qui modifient les textes, c'est-à-dire au niveau de l'interprétation. À chaque fois, tu vas ramener une chose qui est wadiha, interprétation. Oui, mais on peut le comprendre par ceci, cela, et ça, c'est un des mâles de madhabiyya. Le tahrif et l'akhirihi, fahada la yajuz. Hada la yajuz abadan. Modifier les versets par l'interprétation qui est fausse. Fahada kadalika min simat, man tashabbaha bil ulama. Wa kadalika annahum yudahinun. C'est-à-dire qu'ils vendent leur religion pour l'ad-dunya. Ils vendent leur religion. Ce corps-là, là, il va être. Là, je viens de me rendre compte qu'il m'a lâché. Bon. Espérons que c'est une petite partie, Inch'Allah. J'ai oublié de recharger les piles. Non, qu'est-ce qu'on disait, à notre époque, malheureusement, il y en a des personnes qui commencent à s'aventurer, à écouter des chouyours ou des personnes qui ne connaissent pas, comme sans même y en a demandé le conseil aux ulama, est-ce qu'ils le connaissent, est-ce que c'est une personne de confiance, est-ce qu'on peut revenir à lui et l'akhiri. Parmi les ashurut, il y en a fait akhd al-ilm, il faut que cette personne-là soit ma'loum. Et le ma'loum, qui m'a fait l'imam Ibn Ubayd al-Khatib al-Baghdadi, c'est celui qui est connu bien ibn al-Talab. Celui qui est connu ibn al-Talab, c'est-à-dire dont imma les ulama ya'rifunahu, ou bien cette personne-là est connue d'avoir pris la science yani chez les ulama. Il est ma'rouf ibn al-Talab, on sait qu'il a étudié. Mais si jamais ni un alim n'a fait la tasqiya de cette personne-là, et ni on connaît son cursus, on va dire, au niveau de l'apprentissage, alors cette personne-là, on ne peut pas apprendre de lui. Parce qu'il est majhoul. Elle a un effet de dunya, si jamais c'est par rapport aux affaires de dunya, avant de s'aventurer à confier son affaire à une personne, il va se rassurer, est-ce que c'est la bonne personne. Lorsqu'il veut placer de l'argent, il va regarder, est-ce que cette personne-là, c'est une bonne personne, une personne de confiance. Il a créé. Lorsque sa voiture est en panne, il va chercher le mécanicien qui est au top, afin de s'assurer qu'Inch'Allah va bien réparer sa voiture. Lakin fi din tara at-tasahul, il y a une négligence elle, par rapport à ça. Fa la yajuz akhd al-ilm des personnes qu'on ne connaît pas. On ne juge pas de lui qu'il est dans l'égarement, lakin on ne peut pas aussi juger de lui que c'est une personne dont on peut prendre la science. Fait on s'écarte de cette personne-là. Fait les ulama, ils ont jugé de da'if certains hadiths dans lesquels se trouvaient des rapporteurs dont ils ignoraient est-ce que c'était des udul. Et est-ce que c'était des personnes qui avaient une bonne mémorisation? Tajannabuhum, yani ils les ont mis de côté. Fa kadhalika, yani par rapport à elle, il faut qu'ils connaissent. Tam cette personne-là, ça suffit pas. Le fait que personne l'a réfuté. Tam si personne l'a réfuté, peut-être que non. Il faut qu'il y a comment ça s'appelle une tazkiya au préalable. Qala al-Khatib, là j'ai retrouvé le nas. Qala al-majhul 'inda ashab al-hadith. هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به في الكفاية. Il a dit المجهول, celui qui est ignoré, qu'on ne connaît pas, عند أصحاب الحديث, c'est celui dont on ne connaît pas le cursus, on va dire, et dont les ulama ne connaissent pas. هذا هو المجهول, c'est celui dont on ne peut pas prendre de lui. فالعلامات de من تشبه بالعلماء كثيرة جدا, et ça c'est مهم. Jiddan, parce que Al-Alim, c'est le wasita baynaka wa bayna Allah. C'est l'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'intermédiaire kadhalika entre nous et kadhalika le hukam. C'est-à-dire que c'est eux qui vont nous faire patienter dans les affaires qui touchent yani, l'ensemble de la communauté. Donc si jamais on revient aux mauvais ulama, comme c'est le cas yani, avec ce qui s'est passé avec le printemps arabe, ils sont revenus aux mauvaises personnes et ça fait des dégâts. Mais ils auraient écouté Ahl al-Sunnah, ils auraient écouté les nasiha ou les rishad dont on fait Ahl al-Sunnah, rien de cela ne serait passé. Ils auraient patienté sur l'injustice qui est présente, laquelle serait été khayran lahum par rapport aux facettes qu'on peut trouver maintenant. Al-An, c'est l'anarchie, c'est la fraude partout. Les prix ont augmenté, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Elle est pire. Parce qu'ils ont désobéi à Allah Azzawajal. Et Allah il a dit quoi? Wa atiyu Allah wa rasul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son messager, et ainsi vous serez, miséricorde vous sera faite. Donc désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, c'est l'axe. Ce sera le châtiment, la difficulté, les épreuves, et c'est le cas. Donc il n'y a pas de rahma. Allah subhanahu wa ta'ala aqabahum bi shidda. Parce que eux-mêmes, ils ont agréé sur eux-mêmes yani, de se mettre des difficultés, dans le sens où ils ont désobéi. Naam. Fa al-alim, dans la umma, sa place, elle est immense. Elle est immense. C'est les héritiers des anbiya. Fa'ada yani, c'est bil khulasa. Qala ما صرح به سنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد البليد c'est celui qui comprend pas يعني c'est celui qui est bête يعني celui qui est un peu qui comprend pas يعني فمم celui-là يعني lorsqu'on va lui ramener les adillah de la sunna il va les lire il n'y a pas besoin de charh c'est واضح جدا comme les hadiths qu'on a pu voir c'est واضح جدا pour ça qu'il a dit même البليد celui qui est bête il n'a pas besoin de tafsir c'est compréhensible. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء. Ensuite c'est devenu une chose qui est quoi غريب. وهذا من الدلالة على آخر الزمن. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Quand ils appellent au tawhid, ils ont dit ça c'est du junoun. Lorsque tu appelles الآن à sunna, c'est du junoun. قال وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. Ou c'est la shidda. À notre époque, maintenant, ils appellent ça être dur, radical. Quand tu appelles aux valeurs d'islam, il est radical, il est dur, mutashaddid, ils interdisent tout. Parmi les choses qu'on entend. Alors que, fil haqiqa, c'est eux qui sont, yani, shaddadou ala anfusihim. Et c'est eux qui se sont permis l'illicite, yani, à tout va. Yani, halalou li anfusihim kullashi. Ils se sont rendus licites toutes choses. وفي الحقيقة يعني صار طعم في الإسلام بس كم أنا بيوضح كيس كيف العالم يفي كده ينقل فقط يدي الله يدي البروفة يدي فقط قال وخيار ما عندهم le moins on va dire le moins pire c'est que tu vas trouver parmi ces personnes là يلبس الحق بالباطل c'est-à-dire qu'il va prendre le حق et il va chercher يعني يغير les gens بالحق c'est-à-dire avec les شبهات avec les ambiguïtés تمام قال وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق العلم النافع ومدحه لا يتفوه به الى زنديق ومجنون كما سئل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فجاب التوحيد فقالوا شاعر ومجنون الى اخره كذاب تمام فها هنا كذلك تمام il est radical il est dur يعني يسبهم كما نبي صلى الله عليه وسلم من علامات اهل البدع تمام كذلك يعني ils sont en train de chouer, ils dénigrent les Ahl al-Haq afin qu'on s'écarte de Ahl al-Haq. Kadarika, c'est min makrihim, le stratège des Ahl al-Bida, de faire du ta'an et de faire les ulama, as-salihim, afin que les awam s'écartent de eux. Ils sont durs, ils sont radicaux, ils appellent au djihad, ils appellent à tuer les gens, ceci, yani min al-kadib. Afin de s'écarter de comment s'appelle la vérité. Ça, c'est min al-wasayl al-lati yastakhdimuha shaytan. Parce qu'une fois qu'il aura écarté la masse des ulama as-salihun, فَقَدْ ظَفَرَ يَنَيْ بِالْمَقْسُودِ il a triomphé parce que l'ami, comment il va apprendre si jamais il revient à Ahl al-Bidah, revient à Ahl al-Jahl ou al-Dalal. Ça va que rajouter de l'égard à ces personnes-là. قَالَ وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ كَرَهُ اَيْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي تَحْذِيرِ عَنْهُ celui qui va faire des réfutations contre la science, yani, qui est profitable et qui va mettre en garde contre les kutub d'Ahl al-Sunnah et l'akhiri. قال والنهي عنه قال هو الفقيه العالم. C'est celui qui est l'érudit, c'est celui qui est le faqih. Celui qui va mettre en garde contre la sunna, c'est le faqih. Et celui qui va mettre en garde contre la bida, c'est le zindiq, c'est le mutashaddid, c'est le majnoun, c'est le radical et l'akhiri. Il n'a qu'à cette humour. Alors c'est dans son époque et que dire dans notre époque. فهذا الأصل c'est un أصل qui est عظيم جدا. Le fait de revenir, plutôt connaître qui sont les ulama. Al-Halim ma'ruf, c'est celui qui dit Qala Allah Qala Rasul. Wal-Faqih, kadalika, c'est un peu en dessous, dans le sens où c'est celui qui connaît yani, les choses qui sont dans le fiqh, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'aqidah. Al-Halim, c'est un min dhalika, c'est-à-dire celui qui, dans la science, yani, englobe l'aqidah, qui englobe le din. Al-Faqih, généralement, c'est pour ce qui est par rapport au fiqh. Enfin, les deux, on a besoin de cela. Mais sinon, le fiqh au fiqh, le fiqh, c'est de connaître la religion. Comme le Nabi Sassam, il dit : Man yuridillahu bi khayrin yufaqihuhu fid din. Et la différence entre le ilm et le fiqh, certains ont dit le ilm et le fiqh c'est pareil. Et d'autres ont dit le fiqh, yani, c'est la comment ça s'appelle, la compréhension qui est un peu plus minutieuse, yani, dans laquelle yani, tu vas avoir un istinbat, une déduction, hein, dans laquelle il va faire un effort d'interprétation et d'istinbat de la khayri. C'est un peu plus minutieux. Yani. فهذا الأصل الذي لا بد منه الرجوع إلى العلماء ومعرفة من هم العلماء afin que يستقيم الأصل الثاني qui est l'اجتماع في الدين sinon il n'y aura pas d'اجتماع chacun va appeler à son égarement أما أهل السنة ils appellent à une chose qui est la même valeur qui est de revenir en كتاب الله سنة أما هؤلاء c'est أهل البدع والضلالة comme أهل البدع والفرقة et كذلك الأصل الثالث qui est اجتماع يعني على الحاكم السمع والطاعة c'est-à-dire que les gens qui vont appeler à revenir à ce asla, à obéir et à écouter. Amma les autres, ils appellent à sortir contre eux. L'asla thani wa la thalith ila bi wujud al-ulama al-nasihin al-rabbaniyin. Fahada sa asla qui est vraiment azim jiddan, fahada ika atala fi. Car ce asla là, il est vraiment azim jiddan. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, hada c'est le khulasa de ce quatrième asl, ou inshallah tabarak wa ta'ala, que personne aati, on poursuivra et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite afin de finir inshallah les deux asl qui manquent. Alors voilà, ça inshallah tabarak wa ta'ala. Wa yak ya akhi, subhanakallah wa bihamdika, astaghfiruka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.